Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, 4 paysages, une série de Camille Jusa réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a les rues que l'on arpente, les immeubles, les usines plantées au milieu de nulle part et leur ombre portée, les parcs que l'on traverse, les allées bordées de maisons, il y a des tours, des hangars, des grands ensembles, des esplanades, de grands gestes architecturaux, d'autres plus discrets. Car on habite un décor pensé, porteur d'un projet, individuel ou collectif, égoïste ou généreux, mais porté par une idéologie, même si elle cherche à se faire discrète. L'architecture est une fiction comme une autre, le tout est peut-être de savoir quelle histoire elle nous raconte. Alors pour commencer, les personnages. Des jardiniers en combinaison, une paysagiste enchantée, des historiens des jardins, un lecteur solitaire, des randonneuses de ville, un professeur de tai chi à côté d'un ginkgo et un flûtiste dans une grotte. Ensuite le décor. Un paysage suisse dépeint pour le mystère, des montées, des descentes, un loup, à moins que ce ne soit un chien, du ciment stuc façon écorce, un lac, un pont suspendu, les fantômes du romantisme, une voie ferrée, des habitants sous des tentes et parfois même des skieurs clandestins. Aujourd'hui, premier épisode, on est en France, à Paris, entre l'avenue Simon Bolivar et le métro Botzaris, et on vient de franchir les grilles du parc. Quand on fait l'ouverture à 6h30, ça c'est super ça. T'arrives, t'ouvres le jardin, tu rentres, t'es tout seul, t'as peur, parce que moi j'ai peur. Toi, je vois les ombres, j'entends les bruits, t'entends les oiseaux du. Des bêtes féroces quoi. À cette heure-ci, c'est des bêtes féroces. Ça c'est super. Puis deux jours j'ai tenu, après j'ai mis une lampe frontale parce que j'avais trop peur. ouais. T'arrives ici, t'es dans une forêt. Donc t'as toutes tes angoisses de gamin qui ressortent, tu dis merde, il va m'arriver un truc. Puis il y a des mecs chelous quand même ici. Hein. Pas non plus. Les Buttes Chaumont, le technoparc du baron Haussmann. Camille Jusa, Vincent Deck. On a appelé le parc des Buttes Chaumont la petite Suisse. Ce n'est pas un nom immérité. En effet, avec ses roches abruptes, sur son lac paisible, sa cascade qui tombe d'une hauteur de 32 mètres et ses forêts de pins, les Buttes Chaumont représentent assez fidèlement un coin de l'Helvétie. Ce n'est pas une promenade aristocratique. Situé dans un quartier populeux où l'ouvrier voisine avec le tueur et le bouvier de la Villette, les Buttes Chaumont ont transformé profondément un large coin de Paris avant d'en arriver à recréer dans cette région nord-est de notre capitale un coin de la Suisse. Il nous faut relater une histoire peu folâtre. Les mecs, laissez-moi poser. Il y avait là une colline à l'époque d'une. Bonjour. Invincible. Bonjour. On vous fait des obstacles. Et puis attends, et la dame, tu dis pas monsieur dame. Ouais. Oh, ce jardinier. C'est une promenade pédestre, ça. Ouais. Les marcheurs nordiques, c'est ça avec les bâtons, comme les bâtons de ski. Il y en a beaucoup maintenant. C'est devenu la mode. On nous voit à peine, hein, les joggeurs nous voient à peine. Des fois, ils nous évitent comme ça à la dernière minute. On est camouflés, on est tous en vert. Voilà, ce qui est dur ici, c'est physiquement. Hein. On marche beaucoup, puis c'est assez pointu. C'est quoi le maximum? Il y a du 15% quand tu passes la tondeuse. Ici, tu vois pas la ville presque. Là, par exemple, on l'entend à peine. Si on tend l'oreille, et puis on entrevoit un immeuble là-bas au bout, mais autrement, on peut très vite imaginer qu'on n'est pas en ville. Quoi. Puis une autre fois, on va travailler là-haut. T'es déjà monté là-haut le matin? T'as vu les Chinois qui font le... C'est fantastique, ça. C'est fantastique une demi-heure. Parce que la musique chinoise, 5 notes... C'est quoi le pire, il faut venir le pire, c'est si se met à neiger. Ah bon? Bah ouais, parce qu'on a des skieurs, des mecs avec des canoës, des tarés, des... Enfin, voilà, enfin... Moi, ça me fait halluciner, parce que ça a détruit tout. Tout le parc était détruit, toutes les corbeilles florales étaient détruites. C'était un carnage. Plein de gens étaient venus avec des skis, ils se croyaient carrément à la station Buttes Chaumont à la montagne. Quoi. Il manquait plus que les remontées mécaniques, ils étaient bons. Mais c'était assez hallucinant. Quoi. Ils s'amusaient à descendre les grandes pentes. C'était carrément station de sport d'hiver avant plein Paris. Quoi. C'est donc un parc. Un parc au relief plissé, où l'on monte, on descend, où les enfants l'été roulent comme des balles sur les prairies trop pentues. Un parc à la nature exubérante, aux arbres centenaires et aux scènes stupéfiantes. On y trouve une grotte, des rivières, des cascades rugissantes, une île, une falaise et son aiguille, bref, tout un décor aux accents de nature si parfaitement imités qu'on oublierait presque la topographie parisienne n'a pas pu, en toute logique, produire de tels effets à elle seule. Car oui, les buttes Chaumont posent salutaires au milieu de la grande ville où les Parisiens déballent leur pique-nique au beau jour, parenthèse végétale qui semble avoir été arrachée aux griffes de l'urbanisation, furent en réalité créées de toutes pièces au Second Empire. C'est en fait un parc d'ingénieurs, ceux du très efficace préfet Haussmann, et qui ont déployé ici toutes leurs techniques pour pouvoir planter sur les 20 minuscules centimètres du sol un immense jardin. Un matin de brume, nous y avons croisé un vieux loup, immédiatement suivi, rassurons-nous, de son maître qui l'avait domestiqué. Il déambulait sur une prairie, face à l'immense paysage urbain que l'on domine depuis les hauteurs du parc. On pouvait voir d'ici le hérissement brutal des tours des années 60, qui composent aujourd'hui le nord-est de Paris. Le loup ne semblait pas perturbé par ce télescopage des visions et continuait tranquillement sa promenade matinale. Alors on s'est dit qu'il y avait eu du génie ici, dans cette manière d'ensauvager un morceau de la ville. Isabelle Levesque, vous êtes historienne des jardins et paysagiste, et vous êtes surtout l'auteur d'une très grosse étude sur l'histoire du parc des Buttes Chaumont. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte on décide de faire ce parc ? Alors, on peut imputer cette volonté à Napoléon III. Il a souvent été dit Napoléon III et ses voyages en Angleterre. Mais il ne faut pas oublier que Napoléon III a passé toute sa petite enfance en Suisse, sur les bords du lac de Constance, et qu'il commençait avec son précepteur par une promenade d'une heure dans la montagne. Donc je pense que avant même le voyage qu'il fera adulte en Angleterre, c'est quelque chose qui marque profondément comme relation avec la nature. Il nomme une commission qui s'appelle la commission Siméon. Il sera décidé de créer des parcs ou des squares hein, à moins d'une demi-heure de marche pour tous les Parisiens. On est à un moment d'insalubrité, il y avait eu différentes épidémies de choléra. Et donc, on a cette envie de nature en ville. Et le plus beau texte qui existe sur cette volonté, on va dire, de Napoléon III, est peut-être un texte de George Sand qu'elle publie dans le Paris Guide. Elle écrit « Pour tous nos enfants qui ne verront jamais ce que la grande nature fait, faisons des parcs et faisons des jardins. » Malheureusement, j'utilise pas exactement ces mots, mais c'est l'idée pour que les enfants et que toute la population puissent avoir accès à la grande nature. Antérieurement, en 1849, il y avait la voirie, c'est-à-dire le dépotoir des excréments parisiens, qui disparaît et qui va à Bondy, mais il reste encore donc des carrières de pierre à plâtre. Il reste les ateliers d'écarissage, des ateliers de tous les chevaux parisiens, donc des ateliers de colle, des ateliers d'asticots, et certains disent que les jours de vent de nord-est, on sentait les effluves jusqu'au Louvre. Et ces carrières la nuit servent d'habitat à tous les miséreux de la capitale. Et, évidemment, est un repère de rats. Donc c'est un endroit plutôt désolé. Totalement nauséabond, et l'une des gravures qui paraît dans les promenades de Paris montre l'émergence de ce parc au milieu de fumées d'usine. On est ici, il faut le savoir, sur les hauteurs de Belleville. Bon, cet endroit, en fait, était accessible que par la rue de Belleville ou alors par un sentier qui se trouvait à l'extrémité du côté de la rue de Crimée. Ici, sur le front supérieur, vous aviez des moulins à vent, toute une collection de moulins à vent, avec des carrières qui étaient au départ à ciel ouvert et ensuite souterraines, si vous voulez, qui ont même servi à un moment donné de champignonnières. Donc l'exploitation des carrières, c'est essentiellement au 19e siècle. C'est à ce moment-là que le site se dégrade et devient ce qu'il était au moment où on a envisagé l'aménagement du parc des Buttes-Chaumont. c'est ce qu'on appelle le mont Chauve. C'était en fait une espèce de causse assez sans végétation, assez aride. Donc c'était une carrière abandonnée. La carrière était abandonnée, ça devait avoir un côté assez misérable en bas et assez humide. Et c'était, disons, un peu une sorte de jungle, si vous voulez. Toutes sortes de gens qui se réfugiaient dans ces carrières. La partie basse est devenue très industrielle. Une industrie qui, à l'époque, était moderne, avec un grand développement industriel de Paris. C'est un secteur très fort. Il faut aussi prendre en considération le fait qu'il y a l'ouverture des gares du Nord et des gares de l'Est dans ce secteur. Donc, il restait ces 25 hectares dont on ne pouvait pas faire grand-chose. Voilà, donc là, on est dans l'un des pavillons de garde qui est dédié à la représentation du parc. Donc, on a fait une maquette pour bien se rendre compte de la topographie très mouvementée de ce parc qui a été voulu par les concepteurs de l'époque qui voulait, par ses effets de nivellement, de créer un nombre de buts importants. Et donc là, si on devait décrire rapidement, comment est organisé le parc ? Alors, le parc a été bâti sur une ancienne carrière, une carrière de gypse, donc c'est une espèce de plâtre, et on a réutilisé un front de taille pour créer des effets de falaise. Et on avait un résidu de taille aussi qu'on a décidé de transformer en île. Et autour de cette nouvelle île, on a créé un lac qui permettait de refléter cette île et donner encore plus un effet pittoresque. Donc là au-dessus, voilà, il y a une photo qui montre le début des travaux, j'imagine. C'est un cliché de Marville. Marville, c'est puisqu'on sait qu'à cette époque, la photographie se développe vraiment. Et donc, le chantier a fait lui-même l'objet de reportages. On voit bien l'ensemble des terres rapportées sur un moignon de taille pour donner de la hauteur. Et sur les terres qui ont été rapportées, on va plaquer des faux rochers pour donner l'illusion d'une grande falaise. Et on modèle l'ensemble du parc comme pour une sculpture où on va bâtir les bras, les jambes, le visage. Et puis ensuite, on va affiner les doigts, les yeux, etc. Donc c'est vraiment un travail de sculpture. Et le fait d'avoir des allées courbes qui parcourent l'ensemble de ces buts qui fait que l'on serpente vraiment longtemps, comme dans un labyrinthe, en fait, d'une certaine façon, fait qu'on a l'impression que le parc est beaucoup plus grand qu'il ne l'est. Sur un petit lieu qui fait seulement 26 hectares, le fait de monter, descendre, permet de se perdre dans ce parc, d'oublier ses repères, et donc est très, très fort dans la manière d'oublier la ville. Une émission sur le parc. C'est un très bon spot et moi c'est mon lieu de survie à cette vie citadine parisienne qui est devenue invivable et très violente vu la précarité des gens et c'est un endroit calme où on n'entend pas les sirènes des flics sans arrêt, ni les pompiers, ni les ambulances, ni les klaxons. Vous êtes venu lire quoi dans le parc ? Un bouquin d'Erving Goffman qui s'appelle « La mise en scène de la vie quotidienne ». Un livre, c'est comme un ami, comme je suis tout seul et que je m'ennuie, bah, au moins j'ai un pote, mais il est mort. Mais sinon... c'est marrant ça. C'est quoi ? C'est un drone. Il s'est mis au-dessus de la grande pelouse, là ? Ouais, bon, c'est de la domination, hein, c'est de la domination. Bon, bah, je vous laisse. À bientôt. Salut. Au revoir. C'est le jardin que les Parisiens plébiscitent souvent comme le plus naturel, celui où on se sent le plus proche finalement d'ambiance champêtre. Et puis c'est en même temps celui où la technologie a le plus contribué à façonner le relief, mais aussi finalement les détails du jardin. C'est-à-dire, tout y est artificiel ? disons, beaucoup de choses. Le relief a été très profondément remodelé au milieu du 19e siècle, au moment où vont commencer les travaux dans les années 1860. C'est quand même un endroit assez désolé, avec une carrière de gypse sur le point d'être fermée, et donc avec un relief très très tourmenté. Avec très peu de végétation, parce qu'en fait, c'est une terre aride. Donc, vraiment, le dernier endroit au monde où faire un parc. Il n'y a évidemment pas de lac. Donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui est dans le produit, quand même, d'un remodelage complet du terrain. Pourquoi on choisit de faire un parc à cet endroit ? Il y a une bande dessinée que j'adore, dans laquelle l'auteur imagine qu'on a fait les buts de Chaumont afin que Napoléon III puisse se ménager une retraite souterraine dans le rocher qui serait creux. Bon, ce genre d'hypothèse mise à part, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'idée quand même que Paris doit être remodelé au moyen notamment de plantations et de parcs qui doivent être un peu répartis sur l'ensemble de la ville. Et donc, en fait, il faut des parcs à l'ouest, bien évidemment, mais aussi à l'est, pour créer une espèce d'équilibre et intégrer l'ensemble de la ville dans une même maille verte. Et à Paris, au 19e siècle, ce qui va être retenu, c'est finalement l'idée que la nature en ville, c'est un espèce de système technique ou de réseau, avec finalement, qui est un réseau hiérarchisé, c'est-à-dire qu'au sommet, vous trouvez des très grosses emprises comme les Deux Bois, Boulogne et Vincennes, souvent comparées aux poumons de la capitale. En dessous, vous allez trouver les parcs de taille un peu moins importante, comme par exemple typiquement Montsouris ou les Buttes Chaumont. En dessous encore les grands squares, comme par exemple les Batignolles. Et puis ça se termine avec ce qui vient lier tout ça, qui sont toutes ces plantations d'alignement le long des boulevards, sur des petites places, etc., qui viennent lier le tout, comme si finalement la nature en ville, c'était un espèce de grand réseau qui reliait tous ces éléments. Là où on comprend aussi cette espèce d'idée, peut-être pour préciser, je ne sais pas si vous êtes déjà, vous avez jamais regardé, c'est les grilles autour des arbres. Les arbres à Paris, c'est comme des équipements techniques, c'est comme des réverbères, c'est comme ça fait partie finalement d'une espèce d'équipement de la ville. Et puis avec une espèce d'idée finalement qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre la nature et l'artifice. Finalement, la nature en ville, c'est une techno-nature, comme on dirait aujourd'hui. C'est un projet, finalement, je dirais, de mise en réseau de la ville, mais c'est aussi un projet politique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, on voit naître au 19e siècle ces idées de pacification urbaine au moyen de la nature en ville. Et le Paris d'Haussmann, la nature en réseau du Paris d'Haussmann, elle participe de ce dessin. Et donc on va implanter au but de Chaumont, c'est-à-dire dans un endroit quand même passablement désespéré, aux lisières de la Villette et de ses usines, etc., dans un endroit plutôt malfamé, qui avait autrefois été d'ailleurs le lieu où il y avait le gibet de Montfaucon, où il y avait des tanneries, enfin vraiment toute chose peu agréable. On va essayer d'implanter un jardin avec toutes les aménités urbaines, donc il y a quelque chose de démonstratif. Jean-Charles Adolphe Alphand, qui est le directeur des promenades de Paris, la première opération, c'est le relief. Donc c'est d'abord à travers le relief que l'on va créer un imaginaire. Donc on a cette imitation de falaise, on a de l'ingénierie, hein, avec des ponts. Il y a bien sûr une construction de voies ferrées, on achemine des matériaux par le canal de l'Ourcq. Alors n'oublions pas que la voie ferrée a été en grande partie inaugurée en 1851, la petite ceinture qui traverse le parc et qui d'ailleurs est considérée comme un ornement, hein, puisqu'on a un restaurant qui est construit exactement dans l'axe de la voie ferrée et qu'il y a un guide qui est traduit en plusieurs langues qui considère que cette voie ferrée était comme, entre guillemets, la malle des Indes au parc Saint-Chaumont, c'est-à-dire une correspondance de train qui permettait d'aller jusqu'à Marseille puis de prendre le bateau et d'aller en Inde. Donc une rêverie totale qui est amplifiée encore par les ingénieurs, c'est-à-dire qu'il y a une partie, la butte la plus haute, qui fait 105 mètres, a été surélevée de façon à avoir la vue sur tout Paris. Et alors, quelle est l'idée en termes de paysagisme ? Qu'est-ce qu'on dessine ? Pour quel effet ? Alors, on cherche d'abord à essayer de rendre un effet de grand paysage de montagne, d'où l'importance des conifères, même s'ils sont transposés. Donc, il y a beaucoup de cèdres, beaucoup d'ifs bien sûr, mais les ifs au départ, ils ont plutôt une destination d'occulter, pour faire en sorte que le promeneur passe de scène en scène et ne devine pas tout du premier regard. C'est pas parce que ça descend qu'on va prendre le relais. Je peux pas rêver. Vous voyez, cette allée est traitée un peu comme une route de crête. Il y a un petit vallon sur la droite et un autre, et de l'autre côté, les pentes qui descendent vers le bas du parc. Et par contre, ici, vous avez une pelouse qui est assez intéressante, qui est convexe parce que c'est carrément la conception d'un alpage. On remodèle, il y a eu énormément de terrassements et pour remodeler le site, le tout en 4 ans, hein. Alors ici, vous avez un exemple avec cet escalier d'usage de stuc-ciment avec des nez de marche qui sont des imitations de troncs d'arbres en bois. Et puis sur le côté, des rochers qui imitent le grès. En ciment ? En stuc-ciment. C'est le trompe-l'œil. C'est une des caractéristiques de ce parc. Pour moi, c'est un musée du stuc-ciment. Et alors, regardez comment les poteaux sont travaillés à nouveau. Donc on voit l'écorce, hein, la fausse écorce sculptée dans le ciment. Oui, et puis par endroits, eh bien, elle a pourri. Les veines du bois. Il n'y a plus d'écorce, là. Oui, on a mimé l'usure de l'écorce. Et là, vous avez une sculpture, en quelque sorte, et qui n'était en fait qu'un tronc d'arbre résiduel. Un mètre de tronc de faux tronc à côté de l'énorme platane qui lui est... Vous voyez les fausses dalles. Les fausses dalles, c'est vraiment la notion de vouloir démontrer son savoir-faire. Il y a le nom de l'artisan. J. Chabra. Rocaillage, cascade, grotte et rivière, 19 rue... De Lourcq. Ce parc doit être considéré comme le vestige de l'exposition universelle de 1867. C'est-à-dire qu'on va montrer dans ce parc tout ce qu'on sait faire. Exactement. En termes d'art des jardins, de stuc-ciment. Et techniques nouvelles, vous avez une passerelle d'Eiffel. Donc on montre des savoir-faire, de l'architecture de génie civil, si vous voulez, des travaux de génie civil comme routier, des voies qui sont asphaltées ou macadamisées, comme on disait à l'époque. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on en fait, on décide d'en faire cette vitrine de présentation. Donc, on est dans un contexte d'universalité et de volonté de démontrer donc un savoir-faire et éventuellement de l'exporter. Et ce qui explique l'École française du paysage qui va ensuite travailler dans le monde entier. Oui, c'est un parc dans lequel on déploie toutes les ressources de la technologie. D'abord, c'est un espèce de petit musée des techniques. On va y trouver un chemin de fer, d'ailleurs, dont, avec un des restaurants, donne une espèce de vue scénique sur le chemin de fer. Je dirais les buts de Chaumont, alors c'est finalement, c'est un peu cet idéal de la machine dans le jardin. C'est le chemin de fer, les ponts, les travaux de soutènement. Et puis, sans oublier, beaucoup de voiries. C'est-à-dire, c'est un parc dans lequel vous avez un système de voiries digne des ponts chaussées, puisque d'ailleurs les ingénieurs des ponts et chaussées se sont occupés en partie de sa conception. Beaucoup d'ingénierie, Antoine Picon, pour montrer quoi ? Quelle idée de la nature et des jardins a-t-on à l'époque ? C'est un parc qui hérite, comme beaucoup de jardins du 19e siècle, notamment ceux d'Haussmann, qui hérite d'un certain nombre de codes du jardin pittoresque qui s'était finalement formalisé au cours du 18e siècle. Donc il y a cet héritage finalement de la pensée pittoresque des Lumières. Avec d'ailleurs, la pensée pittoresque est inséparable quand même d'une pensée, du contrôle des émotions, des sensations, etc. du visiteur. Donc c'est dans laquelle le contact avec la nature s'accompagne assez curieusement d'une ambition de contrôle. Donc ce qu'on veut produire finalement, c'est un ensemble d'émotions, de sensations, d'affects, comme on dirait aujourd'hui, qui contribue finalement à plonger le visiteur dans un certain état d'esprit, donc, et à l'associer à cette espèce de vie urbaine, d'urbanité. C'est une machine à produire de l'urbanité. Il faut quand même bien dire aussi que ce n'est pas le seul endroit où on trouve ce type de conception. Je dirais que c'est quand même une conception assez générale dans la question des jardins au XIXe siècle. Beaucoup de jardins, par exemple aux États-Unis, chez Olmsted, le concepteur de Central Park, vous trouvez cette idée du contact avec la nature, de cette espèce de mise en court-circuit de l'urbain et de la nature. Vous trouvez des idées circulatoires, vous trouvez des idées aussi civiques. Dans les buts de Chaumont, il y a un espèce de côté beaucoup plus ingénierie de la circulation, beaucoup plus net, avec aussi finalement, ne pas oublier qu'au départ, il y a des endroits dont on voit toute la ville, avec finalement une espèce d'émotion comme celle qui saisit Rastignac lorsqu'il déclare à nous deux Paris au Père Lachaise, donc espèce de vision de la ville qu'on voit dans son ensemble et qui donne à méditer. C'est vraiment quelque chose dans laquelle la nature, la circulation, la technologie, c'est ça qui fait spectacle. Claude Roynet, vous êtes jardinière, vous êtes la chef de l'atelier des Buts de Chaumont. On vous suit ce matin dans votre tournée et là, nous sommes perdus. Ce qui est très difficile dans le parc, c'est de se situer quand on ne le connaît pas. Où, quand on est ici, où est le parc? Si on est arrivé par la porte Crimée, où est le parc? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? On ne le sait pas. Et en fait, ce sont les vues qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on peut aller. Et donc, c'est une surprise. Et c'est des effets de surprise continuels, jusqu'à ce qu'on connaisse le parc par cœur. Mais là, on avance encore de 3 ou 4 pas, et la vue se déploie. Et nous sommes quasi à la hauteur du temple de la Sibylle, sur l'île, au milieu du parc. Et voilà, donc tout leur travail, ça a été ça, c'est comment construire les choses de telle manière qu'on ait ces effets de surprise, ces effets de vue, ces effets de repos aussi, hein, parce que parfois, ne rien voir, ça fait du bien. Hein. Et puis par contre, on voit derrière, là, dans la déclivité, on voit le haut des marronniers derrière, hein, qui était une des draperies très importantes qu'on voyait dès l'entrée du parc. Ok, d'accord. Bah, je vais pas ramasser, de toute manière, il faut encore tomber. T'en reparleras avec Yannick. Ok. Là, vous demandez quoi? Alors, je demandais aux cantonniers de laisser les feuilles de ginkgo au pied ici de ce beau, magnifique vieux ginkgo biloba. Parce que, bon voilà, c'est hein, l'arbre aux écus en français et les écus. Alors, certains disent que c'est à cause du prix qu'il a coûté quand il est arrivé la première fois en France. Et d'autres disent qu'il s'appelle aux écus parce que justement, à l'automne, il est doré. Alors on a ici un très bel escalier, nouveau. Vous voyez qu'on a encore... Une autre technique de voilà. Sculpture du ciment. Oui, avec un escalier qui est très majestueux. Quand on voit un escalier comme ça, c'est un décor d'opéra. On a l'impression qu'on est à l'opéra et qu'on va voir la duchesse de Gerolstein ou Offenbach. C'est un escalier pour Offenbach. En fait, on offre une sorte de fiction aux Parisiens, exactement. En fait. On leur raconte une histoire, ici. Oui. Alors, vous voyez maintenant que l'on s'enfonce, on descend, on ne sait pas où. On est en dessous du niveau de la rue, dans des endroits qui ont nécessité la réalisation de grottes. Le tunnel des Noisettes. Et alors, on débouche immédiatement sur une autre scène. C'est presque, si vous voulez, une... Et là, vous voyez, vous êtes, on sort du tunnel, on découvre la passerelle d'Eiffel, le en pont fait, suspendu. On n'a que des effets. Oui, c'est la notion de scène paysagère qui donne ces impressions-là. C'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose de sombre, avec du lierre qui tombait devant l'entrée du tunnel, et hop, on arrive devant l'aiguille. Et ici, on est éclairé, et ici, c'est très éclairé. Et vous avez cette passerelle. Alors, cette passerelle suspendue, qui est une passerelle, si vous voulez, faite, je le disais, par Eiffel, qui est donc un ouvrage très moderne pour l'époque, mais qui est aussi un ouvrage, quand on l'emprunte, où il y a des vibrations. Et les vibrations, c'est une notion romantique où il faut se donner des émotions. Donc le sentiment de peur, de mélancolie, avec la tristesse dans des endroits comme ceux qu'on a traversés tout à l'heure, qui étaient très sombres, avec des arbres toujours verts, ça fait partie, si vous voulez, du paysage romantique. Alors ça, c'est le tachi, hein, tachi chouane. Ils débutent, donc ils sont au 30, disons, en gros, 30e mouvement, il y en a 108. Alors il leur faut encore 4 beaux mois pour avoir la totalité de la série. On est où ici dans le parc? Bon, c'est une esplanade réservée au sport en général. Dans la semaine, il n'y a pas tellement de monde, mais le week-end, il y a toutes sortes de... Et ici, il y a un groupe de gymnastique, des méthodes modernes de gym. Là-bas, il y en a qui viennent faire de l'épée, de l'éventail. C'est très animé. Quand il fait beau, on arrive à 80-100 personnes. Hein. Et c'est complètement ouvert? C'est complètement ouvert. En fait, ça a commencé comme ça. Le maître, j'ai connu il y a 25 ans, hein, qu'on pratique au parc. Et puis un, plus un, il a enseigné. Et puis les gens passent, s'intègrent facilement, c'est gratuit, c'est tous les jours. Donc là, avec ce temps-là, il y a du monde. Quand il va commencer à faire froid, ça va baisser. Hein. Ça fait combien de temps que vous dirigez ces... Ah ben moi, j'ai pris le maître m'a désigné pour continuer parce que je suis plus ancien. Voilà. On a ce coin-là depuis... Belle lurette. Hein. Dans la semaine, on est peinard, il n'y a personne, sauf nous. C'est très agréable. On est quand même heureux d'être dans un coin comme ça, parce que c'est le plus beau de Paris. Hein. Ça, pour nous, c'est le plus beau. Regardez ce ginkgo là-bas. Ginkgo bio. Il y en a un autre un peu plus bas, magnifique, avec un tapis doré. Là, c'est sensationnel. Voilà. Bon, allez, on travaille. Assez papoté. Allez, montrez-moi les nuages. Les nuages. Les nuages. Les nuages. Allez. 1, 2, 3. Allez, commencez ici. Bon, il y a des nuages qui vont vite, des nuages qui vont pas vite. Hein. Ici, on vient de quitter dans ce sentier une zone d'alpage, en quelque sorte. Et voyez, on rentre dans une moyenne montagne. Dans la conception, il y a plusieurs lieux qui ont joué. Il y a d'une part le Dauphiné, Alphand, puisqu'on est avec les équipes du Baron Haussmann. Et Alphand était originaire du Dauphiné. Et il y a également, alors je peux le dire ici, une influence... En Chine, quand on se conçoit un jardin, on le fait par rapport à des sites prestigieux, naturels, qui est tel que les ont vus les peintres. Et c'est à partir de la peinture qu'on se recrée le jardin. Donc la peinture sert d'intermédiaire entre le site naturel et le jardin aménagé. Avec des sites naturels comme par exemple les Ardennes belges, des paysages du Dauphiné qui sont transposés dans la peinture de Courbet et ensuite dans la photographie. Et c'est à partir de là qu'on retrouve ça, ensuite, la composition des scènes paysagères dans le parc. Donc il y a vraiment une transposition de l'art, oui, et de la nature. Ah oui, absolument. Vraiment dans une partie avec beaucoup de ce ciment, de ce rocaillage, oui, avec des scènes là très artificielles, oui, enfin des scènes naturelles très artificielles. On a dépassé une première rivière avec tous ces rochers ces faux rochers. Là, on est au début d'une sorte de falaise avec un trou et derrière cette fameuse, la fameuse grotte. Voilà. Alors, le trou est gigantesque, hein, y en a deux. Et paraît-il qu'à l'ouverture du parc, on entendait la cascade dès l'entrée du parc. Alors, ça devait être quelque chose. Hein. C'est vrai que les dimensions sont gigantesques. Hein. On est à 20 mètres de haut. La cascade elle-même, elle fait 30 mètres de haut. La grotte, c'est très important. C'est d'abord une des anciennes entrées de la carrière, donc c'est des dimensions extrêmement importantes. On a conservé le front de taille, un des fronts de taille. Et on arrive dans une grotte de très grande dimension, avec des stalactites qui font plus de 8 mètres de long. Et donc, on a la vue sur cette cascade qui arrive, la rugissante. Et le niveau de l'eau affleure le niveau des pierres qui permettent de traverser la rivière. Et au XIXe siècle, les messieurs avaient de tout petits souliers, et les dames aussi. Et donc, il fallait faire attention à ne pas mouiller ses pieds. C'était exprès. Ça faisait partie des effets voulus. Oui, de vraiment donner des sensations d'être dans la nature. Voilà, vous êtes à la montagne, c'est un torrent, une cascade de montagne, une fonte de glacier, et il faut faire attention quand on traverse, parce que sinon on est trempé et on a froid. Mais on voit bien avec le contre-jour, hein, quand même encore, la voûte de stalactites. Et on voit aussi le travail qui est fait pour rendre vraisemblable cette chute d'eau. Hein, et quand on est sur le balcon au-dessus, on voit même les marmites qui ont été faites au moment de la préhistoire, quand la rivière était énorme et était là, tourbillonnée et creusée la pierre. Il y a vraiment des travaux très, très intéressants. Là, on voit qu'elle est très, très haute. Hein. Le plafond est très haut et elle est très profonde. Et alors, ces stalactites sont eux aussi faux ? Voilà. Voilà. Et la plupart du temps, quand je le dis aux gens, certains tombent des nues, quoi. C'est un retour à l'enfance, c'est formidable. Hein. C'est pour ça que c'est si intéressant de travailler dans un parc historique et donc de travailler dans ce parc. Parce que justement, le travail est tellement bien fait qu'il arrive encore à éblouir et ces faux-semblants marchent encore. Donc voilà, là, les gros pavés hein, qui permettent de traverser la rivière. Donc avec les robes à crinoline, je ne sais pas si elles passaient toutes. Et en plus, avec la taille comprimée comme elles avaient, le moins d'effort était nécessaire. Donc il faut y aller. Que vous êtes venu faire ici ? Je suis venu profiter de mon local de répétition gratuit et surdimensionné. Vous êtes musicien professionnel, ouais. Pourquoi cet endroit ? L'acoustique est géniale. On est dans un cadre idyllique. C'est plus inspirant que les box des conservatoires dans lesquels on s'entraîne habituellement. C'est sûr que là, c'est autre chose. Ouais. Alors, nous avons une très grande falaise, une grande cascade, des scènes assez dramatiques. Ça fait écho d'ailleurs à une querelle qui existe 20 ans auparavant au Muséum d'Histoire Naturelle. On se demande comment a été créée la nature. Hein. Et la nature a-t-elle été créée par le transformisme prôné par Lamarck, hein, qui ensuite sera défendu par Darwin? Ou est-ce que la nature s'est créée par catastrophes successives, ce qui est la théorie défendue par Cuvier? On a donc les romans de Jules Verne, hein, Autour de la Lune, Le voyage au centre de la Terre, la mer. On a une interrogation. C'est vrai qu'on ne connaît pas la profondeur des océans jusqu'à la fin du 19e siècle. Pour moi, ce parc est assez représentatif d'un questionnement sur la vie. Allez, là, on va franchir le pont suspendu. Plus on avance, plus la passerelle bouge. On est sur une balançoire. Oui, voilà. Donc, donc ça fait partie d'un des effets d'amusement qui était recherché par les concepteurs et de divertissement que voulait produire ce parc avant d'aller vers un élément plus historique qui fait référence à la culture de l'Antiquité que tous ces messieurs, hein, parce qu'à l'époque c'était des messieurs, avaient lorsqu'ils ont construit ce parc. Alors là, on a quitté, on a continué de grimper, on s'est retrouvé au niveau de l'île, on a quitté l'île en refranchissant un second pont, on arrive dans les hauteurs du parc, hein, et là, on a ces grandes perspectives, on commence à les deviner, avec des grandes prairies, aussi des grands peupliers, la ville que l'on voit au loin, avec là aujourd'hui un ciel assez extraordinaire, avec beaucoup de nuages et cette lumière de fin d'après-midi. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est quasiment à hauteur du petit temple, la réplique du temple de Tivoli, qui paraît tout à coup très loin. Et on a vraiment des effets de lointain ici. C'est vraiment ça aussi un des trucs des scénographes concepteurs de l'époque qui ont travaillé sur la miniaturisation des éléments architecturaux qui amplifient l'impression que l'élément est loin, puisque dans la construction de la perspective, quand un élément est loin, il est petit. Donc le temple nous semble loin parce qu'il a été conçu dans ses proportions beaucoup plus petit, et ça amplifie les effets de lointain. Le pittoresque propose des séries de scènes tour à tour riantes et terribles, comme on aurait dit au XVIIIe siècle, qu'on associe en général avec une théorie des caractères et des émotions de l'âme. Donc oui, c'est un peu comme, vous savez, aujourd'hui, quand vous allez au cinéma, la succession des scènes et des émotions procure à la fois des côtés épuisants et puis procure l'impression d'avoir effectué un chemin. Je dirais, on doit sortir normalement du but de Chaumont en ayant l'impression d'avoir cheminé à la fois physiquement, mais aussi à l'intérieur de son âme. En plus, je dirais, des effets de décalage dont on n'est plus toujours aussi sensible aujourd'hui. Mais par exemple, bon, vous avez le petit temple au sommet du rocher renvoie à une vue quasiment archétypale de la peinture depuis la Renaissance, qui est la vue du temple de Tivoli. Donc ça renvoie à une Italie un peu rêvée par les peintres, les poètes, etc. Et puis en même temps, lorsque vous êtes au sommet du rocher au XIXe siècle, vous apercevez les usines de la Villette. Donc vous voyez une espèce de contraste entre l'Arcadie qui est censée évoquer ce temple et puis la réalité industrielle du Paris du Nord-Est. De la même façon, bon, vous avez des colonnes grecques pour certains restaurants, et en même temps, il y a un des restaurants avec ces colonnes fait face au chemin de fer. Donc, c'est, je dirais, il y a quelque chose d'un peu hétérotopique en ce sens que ça juxtapose des choses très différentes, et finalement, ça fonctionne sur des registres qui devraient normalement s'exclure mutuellement. C'est-à-dire le pastoral et l'industriel, il y a aussi finalement des jeux sur le temps, c'est-à-dire que la grotte renvoie, la grotte est ouverte à peu près vers la même époque où Jules Verne publie ses voyages au centre de la Terre, donc avec l'idée d'une espèce de dépaysement temporel, enfin, et même au-delà des limites de l'histoire humaine. Et puis, bon, en même temps, elle est faite de ciment, donc, et puis ça devient un endroit où on va promener les enfants, enfin, c'est plein de contrastes assez étonnants. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la forêt vosgienne, et un des jardiniers a un très long instrument au bout duquel il y a une scie qui lui permet de couper les branches hautes d'un résineux. En fait, là, je remonte la cime de l'arbre pour faire passer la lumière, comment on va planter du lierre pour pouvoir maintenir la terre, parce que comme c'est vachement pentu, avec la pluie et tout, bah, la terre s'en va, donc pour pouvoir qu'ils puissent s'implanter, on essaye de nettoyer, et puis par la même occasion, on enlève le bois mort aussi, comme ça on nettoie l'arbre. Sacré boulot. Ouais. Mais ça va, c'est agréable, parce que une fois qu'on a terminé, on voit bien notre travail réalisé, donc ça, c'est agréable. On est sur votre secteur, ici. Ouais. Donc on est près des voies, voies ferrées. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur les voies ? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont. Bonne journée. Ouais. On peut descendre par là, mais il faudra remonter, hein. Ce sont des voies désaffectées, hein, aujourd'hui. Moi, je me souviens l'avoir pris. Donc, y être passé en train dans les années 60, en particulier des trains de nuit. Quand on revenait des Hautes-Alpes, c'était des trains supplémentaires qui arrivaient sur la gare de l'Est. Et pour rejoindre la gare de Lyon, on passait par là. Moi, je me souviens fort bien du réveil le matin en traversant le parc des Buttes-Chaumont. On a donc traversé la forêt vosgienne, les pins. On a enjambé un grillage et on est descendu sur les voies désaffectées. D'un côté, le Rosa Bonheur, un long tunnel dont on voit tout au bout une petite ouverture. Et de l'autre côté, des ponts le long de la rue de Crimée. Et ici, c'est un musée du street art avec des couches et des couches de graphes, de tags. De part et d'autre, des voies sur les contreforts, une grande fresque qui rappelle plutôt la commune avec beaucoup d'allusions à la résistance. Voilà, on lit Victoire, Résistance, la voie de Paris, le comité de libération. De l'autre côté du tunnel, on aperçoit une tente, une seule, sans doute quelqu'un qui est venu s'abriter. On imagine aussi que les gens doivent être assez souvent délogés parce qu'elle est toute seule. On voit quelqu'un sur la voie ferrée là actuellement. C'est Vernon Subutex. Qu'est-ce que c'est ça ? Vernon Subutex, c'est quelqu'un, c'est un personnage de roman. Ah bon ? Qui vit. Justement, vous voyez la poétique, la poésie des Buttes-Chaumont continue. Vous nous avez emmené sous le kiosque à musique qui est aujourd'hui occupé par une trentaine de femmes de la communauté asiatique, visiblement, qui font une chorégraphie synchronisée. Oui, alors tout à fait ce que vous vouliez nous montrer. D'abord, le kiosque est très récent et ce belvédère est très important parce que pour moi, il évoque un souvenir douloureux du site. Et ça correspond à un lieu de mémoire, c'est-à-dire qu'en contrebas, vous avez l'avenue Simon Bolivar, où au moment de la Commune de Paris, il y avait des barricades, et c'est le moment où on a mis fin à la semaine sanglante. Et le dimanche 28 mai, il y a eu une progression à la baïonnette, si vous voulez, et sur cette seule barricade de l'avenue Puebla, il y a eu 60 morts. C'est-à-dire qu'ici, il y avait eu un parc d'artillerie qui avait été installé en haut des Buttes-Chaumont. Ces belvédères du parc servaient de lieu d'observatoire sur tout le 19e. Parce que ce qui est incroyable, c'est que ce parc est terminé en 1867. Oui. Et dès la fin de l'année 70, il est oui. ravagé, en fait. Oui, c'est un site de guerre très important. Et là, alors, on reprend un sentier de montagne, vous voyez, qui serpente entre deux alpages. Thank you. les bouches, ça va comme ça, pas besoin d'aller plus bas. Isabelle Lévesque, on arrive à un jour un peu particulier parce que cette aiguille qui avait disparu sous la végétation, elle est en train d'être élaguée, on est en train d'élaguer tous les arbres qui avaient poussé depuis 15 ans dessus. D'ailleurs, on voit que ça, il y a des éboulis. Hein, de... Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu cette scène, peut-être que vous ne l'avez jamais vue. Mais... Non, je ne l'ai jamais vue, je dois dire que j'en rêvais par rapport aux images d'Épinal qui sont sorties dans l'illustration et aux photographies les plus anciennes. Et donc je rêvais de voir réapparaître cette image minérale. Alors là, on distingue très très clairement que la base du pic ou la base de l'île est faite avec un gypse naturel. Et que par contre, toute la partie supérieure est composée de moellons enduits de ciment et donc totalement artificiels. Laisse tout ça complaisante, ça va tomber, tout va partir en même temps. On va la tête pour ça. Après la commune, on reconstruit une partie de la falaise détruite suite à l'incendie des armes stockées dans le lac asséché. Mais les goûts avaient changé et le dessin des rochers aussi. Pendant 150 ans, le parc est ainsi rapiécé au gré des modes. La Troisième République y installe kiosques à musique, balançoires et autres pêches au canard récréatives. Les années 50 et 60, beaucoup plus pratiques, coupent les grandes prairies de jeux d'enfants et de bacs à sable, asphaltent les allées pour faire passer les automobiles. On finit par couper l'eau des cascades, les fuites dans les canalisations menaçant d'emporter la minuscule pellicule de terre sur laquelle est planté tout le parc. Aujourd'hui, patrimoine oblige, on se penche sur les plans, les dessins, les listes d'essences d'arbres laissées dans les placards par les paysagistes. On a remodelé le bombé des pelouses, recherché dans les greniers d'une fonderie en Lorraine les moules d'origine pour restaurer les bancs. On a même fait venir des sculpteurs de béton pour ressusciter les rusticages et autres rocaillages. Bref, on recherche l'esprit du parc, une quête délicate car bien sûr hier, il n'y avait ni jogger, ni dimanche familiaux passés au soleil. C'est génial ! C'est pas belle, dégueu. On peut y aller, maman, je t'en supplie. Vous insistiez quand même sur le fait, au début, que les Parisiens continuent de penser que, enfin, de l'apprécier parce qu'il est naturel. C'est quand même que l'intention des concepteurs est toujours là et est réalisée. Les œuvres les plus remarquables sont à la fois capables de changer profondément de nature tout en restant fidèles à une certaine étincelle initiale. Je dirais un peu comme moi, comme une autre chose, comme le Centre Pompidou, qui a quand même énormément varié depuis son ouverture. C'est un bâtiment qui garde quelque chose de l'optimisme des années 68-70. Curieusement, au bout de Chaumont, c'est un parc qui n'a plus rien à voir, à bien des égards, avec ce qu'avaient imaginé les ingénieurs et les jardiniers d'Haussmann. Et c'est en même temps quelque chose qui a gardé... Des traces de cette espèce de folie initiale qui était de réconcilier nature et technologie. Here we are on bended knees, giving presents to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, for the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. Merci à Isabelle Lévesque, Pierre Wittmer, Delphine Bio, Antoine Picon, Claude Roinet. Merci également à tous les jardiniers du parc, ainsi qu'à ses promeneurs, sportifs en tout genre, trinqueurs du soir, enfants, parents et autres toutous. Prise de son, Jean-Marie Porcher, un documentaire de Camille Jusa, réalisé par Vincent Deck. Je peux venir, my garden of love. You're welcome. LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous mettre au vert, bibliographie, lien, nous podcaster pour la marche nordique ou nous réécouter au bord du lac, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook et Twitter. Et demain, deuxième épisode du Mirail, faisons table rase, enquête sur la disparition d'une université des années 70.